The Bangles avec le titre Eternal Flame sur RGM. Un peu plus de 8h36, on parle anniversaire avec ceux qui sont nés un 11 janvier 1946, naissance de Gérard Chailloux, acteur français connu pour avoir interprété le rôle de Jean-Guy Lecointre, le directeur des ressources humaines dans la série télé Caméra Café, ainsi que dans les films Espace Détente et Le Séminaire. 1956, naissance de Philippe Chevalier, humoriste français connu pour son duo comique Un Chevalier et Laspalès aux côtés de Régis Laspalès. Vieux cinéma dans Le Paris, Ma femme s'appelle Maurice, Tu vas rire mais je te quitte, ou encore à la télé dans Nos chers voisins ou encore Shérif. 1958, naissance de Vicky Peterson, musicienne américaine du groupe The Bangles. 1964, naissance d'Albert Dupontel, comédien français vu dans Un long dimanche de fiançailles dans le rôle de Célestin Poux, Fauteuil d'orchestre dans le rôle de Jean-François Lefort, le pianiste, Jacou le croquant dans le père de Jacou, réalisateur et scénariste du film 9 mois ferme récompensé par le César du meilleur scénario original, ou encore Au revoir là-haut, récompensé par le César du meilleur réalisateur ainsi que de la meilleure adaptation. 1970, naissance de Malcolm D. Lee, réalisateur, scénariste, producteur américain à qui l'on doit Le mariage de l'année, Scary Movie 5 ou encore Girl Strip. 1971, naissance de Mary G. Blige, chanteuse américaine et actrice également, puisqu'on a pu la voir dans les séries suivantes, La vie avant tout, Ghost Whisperer ou encore Murder dans le rôle de Ro. 1972, naissance d'Amanda Pitt, actrice américaine vue dans Sex Attitude dans le rôle de Jane Bannister, Mon voisin tueur 1 et 2 dans le rôle de Jill Sinclair, 7 ans de séduction 2012, la série télé Jack et Jill dans le rôle de Jacqueline Barrett ou encore The Good Wife dans le rôle du capitaine Ellinger. 1989, naissance de Benoît Dubois, découvert dans la télé-réalité Secret Story 4 qu'il a d'ailleurs remporté, on a pu le voir également dans plusieurs autres télé-réalités. Il est maintenant devenu chroniqueur et animateur télé. En 1952, décédé Jean Delattre de Tassigny, militaire français, et en 2003, décédé Maurice Pialat, réalisateur français à qui l'on doit Nous ne vieillirons pas ensemble, À nos amours, récompensé par le César du meilleur film ex aequo à l'époque avec le film Le Bal. On lui doit également Sous le soleil de Satan, récompensé par la Palme d'Or, ou encore le film Van Gogh. Allez, nouvelle pause musicale avec la chanteuse Mary G. Blige et son tube de l'époque, hein, on remonte un petit peu loin, Family Affair. Your body free. Oh. Leave your situations at the door. So when you step inside, jump on the floor. Your body bumping. I told you leave your situations at the door. So grab somebody and get your ass on the dance floor. Just want Mary G. Blige avec le titre Family Affair sur le 107FM. Eh bien, il est presque 8h43, on se dirige tout doucement vers la météo d'aujourd'hui et de ce week-end. La météo. Eh bien, aujourd'hui, on va passer la journée sous les nuages. À noter que des averses de neige sont à prévoir pour cet après-midi et ce soir. Pour les températures, comme je vous l'avais annoncé, hein, ce matin, il fait très froid, des températures comprises entre moins 5 et moins 3 degrés. Et pour cet après-midi, ce sera des températures comprises entre moins 1 et 0 degrés. Pour ce week-end, samedi, eh bien, on aura tout d'abord de la neige qui se transformera peu à peu en pluie. Des températures comprises entre 0 et 1 degré le matin, entre 2 et 3 degrés prévus pour samedi après-midi. Et dimanche, ce sera une journée pluvieuse avec des températures qui augmentent de nouveau. Des températures comprises entre 2 et 3 degrés le matin et entre 5 et 6 degrés prévus pour dimanche après-midi. Allez, on file tout de suite vers l'actu sportive. Et on commence tout de suite avec le biathlon. C'était la reprise hier à Oberhof de la Coupe du Monde avec le sprint féminin qui a été remporté par l'Italienne Vitozzi. Quelques secondes seulement la séparent d'Anaïs Chevalier qui commence très bien l'année en prenant la deuxième place de ce sprint et troisième place pour la Suédoise Anna Öberg. Ça promet hein, pour la poursuite de samedi. Pour les autres Français, à la 8e place, on retrouve Anaïs Bescon. 9e, Célia Émonier. Hein, donc ce qui est très bien, 3 Françaises dans le top 10. Ensuite, il faut aller à la 31e place pour retrouver Julia Simon. 51e, Justine Brezaz. Et Caroline Colombo, elle termine 77e. Elle ne participera donc pas à la poursuite de samedi. Aujourd'hui, eh bien, c'est le sprint, messieurs, à 14h30. Alors, on espère que Martin Fourcade a bien décompressé pendant ces quelques jours de pause, qu'il a bien repris l'entraînement et qu'il est en forme pour eh bien, rattraper son retard hein, face à Johannes Bö. Il y a un petit peu plus de 200 points qui les séparent au classement général. Et d'ailleurs, Martin Fourcade partira avant Johannes Bö sur ce sprint. Martin Fourcade partira avec le dossard 16. Juste avant lui, avec le dossard 14, il y aura Émilien Jacquelin. 19e, Antonin Guigona, le dossard 47 pour Simon Détieu, le dossard 55 pour Quentin Fillon-Maillet et le dossard 66 pour Simon Fourcade qui fait son grand retour en Coupe du Monde. Et pour notre Vosgien Florent Claude, il faudra suivre le dossard 51. Je vous le disais, samedi ce seront les poursuites. Alors tout d'abord les dames à 12h45 et pour la poursuite messieurs, il faudra patienter jusqu'à 15h. Et dimanche, nous aurons les relais, le relais féminin à 11h45 et le relais messieurs à 14h30. Un mot de basket avec les résultats de NBA où l'équipe de Boston de Yabusele à 5 points s'est inclinée face au Heat de Miami 115-99. Et enfin, l'équipe d'Oklahoma de Lua Okabaro qui n'a malheureusement pas joué s'est inclinée après prolongation face aux Spurs de San Antonio. Du côté de chez nous, en Pro B, samedi, Nancy recevra Orléans. En National 1, ce soir, le Jet Vosges se déplace à Saint-Quentin et en National 3, samedi, Mirecourt recevra le Mémelin. Un mot de tennis maintenant avec le tournoi de Sydney. Hier, la qualification de Gilles Simon face à Milman en 3-7, 7-5, 3-6, 7-6. Il affrontera aujourd'hui Dominor. À Hobart, aujourd'hui, Alizé Cornet affrontera Kenin et à l'Open d'Australie, elle s'est qualifiée pour le tableau principal, Poncher, en battant Baines en 2-7. Et côté messieurs, c'est Sakhanov qui s'est qualifié pour le tableau principal en battant Smijek en 3-7. Et à noter que très tôt pour nous, en tout cas ce matin, Enfin, c'était même ouais, carrément dans la nuit. Andy Murray a donné une conférence de presse où il était d'ailleurs très ému. Et il a annoncé eh bien, que cela serait sûrement son dernier Open d'Australie. Lui qui souffre toujours de sa blessure à la hanche. Il a dit qu'il espérait pouvoir aller jusqu'à Wimbledon. Hein. On sait que c'est un tournoi qui lui tient particulièrement à cœur. Pardon. Donc voilà, Andy Murray espère aller jusqu'à Wimbledon où il devrait eh bien, après mettre un terme à sa carrière. Alors suite à cette conférence de presse, il y a eu beaucoup de messages hein, sur les réseaux sociaux de beaucoup de joueurs lui montrant son soutien. Allez, un mot de football avec la Ligue 1. Aujourd'hui, Caen affronte Lille et Lyon sera opposé à Reims. Samedi, Amiens affrontera le Paris Saint-Germain, Guingamp Saint-Etienne, Nice, Bordeaux et Nîmes, Angers. Et dimanche, Nantes recevra Rennes, Dijon, Montpellier, Toulouse, Strasbourg et on terminera avec Marseille face à Monaco. En Ligue 2, ce soir, Nancy reçoit le FC Paris. C'est Metz qui se déplace à Orléans. Et en National 2, samedi, Épinal recevra l'équipe 2 de Lille. Un mot de handball, messieurs, avec le mondial qui débute pour l'équipe de France ce soir contre le Brésil. Et on termine avec du cyclo-cross puisque dimanche à Besançon aura lieu les championnats de France. Allez Steve Chenel, on est tous derrière toi. Voilà pour l'actu sportive. On va marquer notre dernière pause musicale avec Lady Gaga et Bradley Cooper sur le titre Shallow. D'ailleurs, cette chanson qui a été récompensée aux Golden Globes dans la nuit de dimanche à lundi. On écoute tout de suite. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing. Times I fear myself. Lady Gaga, Bradley Cooper sur le titre Shallow, hein, bande originale du film A Star Is Born sur RGM. Il est presque 8h53 et c'est déjà l'heure de se dire au revoir. Mais avant de se quitter, on fait un point complet sur ce qui vous attend aujourd'hui à 9h. Un épisode de Ours et Carottes à 13h30. Vous retrouverez la rediffusion de la chronique Les Secrets de Mathilde. 14h, ce sera Dominique. 15h, rediffusion de Jazz Time de Radio Déclic. Et 21h, eh bien, ce sera Vivre et créer à la montagne avec Vincent. Et nous, on se retrouve lundi matin, même heure, même endroit. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, un excellent week-end. Ciao, bye bye.